appris. Renouveler notre savoir et le baser sur l'empirisme. Il faut savoir qui ils sont pour les combattre. Connaître l'ennemi tel qu'il apparaît et comme il est. Se préparer pour une destruction totale. On bâtit un nouveau monde sur des masses pures. Le souvenir de nos ancêtres et le combat de demain. I did call for Russian war. I did call for Russian war. I can't go for Russian war!